trois fragments de la vie sonore d'une cour d'immeuble ancien, cour de Chaune. Premier fragment, CH1, au mois de juin, juste avant midi.